On va parler de football avec. On sait que la semaine passée, on a parlé avec l'instructeur-chef Nick Menacci des Cougars de Chicoutimi suite à une entente avec un programme de football français. Et là, en bout de ligne, on a un joueur français qui a traversé l'Atlantique pour venir jouer au football à Chicoutimi. Question un peu de savoir comment ça se passe. Bon, on lui parle. Il s'appelle Liam Ward. Bon après-midi, Liam. Bonjour. Yann, d'abord, un Français qui vient au Québec jouer au football, et qu'est-ce qui motive Yann Ward à traverser l'Atlantique et venir ici? Tout d'abord, c'est pour découvrir vraiment ce que c'est que le foot américain dans un pays, où ça fait partie de la culture, où c'est un sport développé, et on essaie de voir vraiment comment c'est. En France, c'est vraiment quelque chose un sport de niche, c'est vraiment quelque chose qui est fait que pour les connaisseurs. Donc c'est sûr que c'est ça qui nous intéresse en premier lieu, et ensuite pour les joueurs qui sont vraiment intéressés par la performance, nous on cherche vraiment à essayer de se faire recruter par une grande université ici au Canada. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'opportunité de faire en Europe. Ok. Est-ce que vraiment jusqu'à maintenant, à ta connaissance, il y a des Français qui jouent soit avec le Rouge et Or, le Vert et Or ou d'autres universités? Ouais, il y en a pas mal. Il y a Karl Hachi qui joue cornerback, qui joue demi-défensif. Chez les Carabins, il y en a deux. Il y a Kevin Kaya qui joue receveur. Il y en a un qui joue porteur aussi. Donc il y en a pas mal à travers toutes les équipes. Il y a beaucoup de joueurs français à McGill, par exemple. Il y en a 5 ou 6. Donc ouais, ça commence à arriver petit à petit, en fait. OK. Est-ce que le programme de football se développe tranquillement? Je sais, avec Internet, parce que on sait un peu ce qui se passe. Les matchs de la NFL sont retransmis en France par une station qui s'appelle BN. Est-ce que ça part de là, votre intérêt pour le football? Est-ce que ça part du fait que les matchs de la NFL sont présentés en France? Voilà, c'est ça, en fait. On n'est pas vraiment exposé au foot américain. En Europe en général. Donc ça marche un peu comme ça, on envoie à la télé ou on envoie sur Internet, ou alors il y a le bouche à oreille, je connais quelqu'un qui en fait dans un club, j'ai envie d'essayer, j'ai vu dans les films, enfin c'est souvent comme ça, c'est souvent par hasard qu'on trouve, quoi. OK. Puis dans l'ensemble, comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? Partir loin de chez toi, t'as quoi? T'as 17 ans? Tu dois à peu près 17 ans? Moi, j'ai 20 ans. Ah, t'as 20 ans, OK. Donc, t'es un petit peu plus âgé, mais quand même. 20 ans, puis partir de la France, venir au collège de Chicoutimi, jouer au football, et comment tu trouves ça, ton expérience? Est-ce que jusqu'à maintenant, t'as retiré plus de positifs, ou tu t'ennuies des fois peut-être de la maison puis des amis? Jusqu'ici, j'en retire que du positif. C'est sûr que c'est dur d'être un peu loin de la famille, mais à part ça, j'en retire que du positif. J'ai rencontré des personnes super ici, je me suis fait des bons amis, et j'ai découvert une culture un peu différente de la France. On pense souvent que le Québec c'est comme la France, mais c'est vraiment très différent. Et ouais, j'ai beaucoup appris de mon expérience sur moi-même, sur le sport et sur beaucoup de choses. Donc ouais, c'est quelque chose que je conseillerais. Ouais. OK. Est-ce que tu as joué cette année, comme est-ce que Nick t'a fait confiance un peu? Ouais. OK. Ouais, j'ai pas mal joué, j'ai assez bien joué, la fin de la saison, j'étais élu sur l'équipe étoile de la ligue, donc ouais, ça a bien été pour moi cette année. OK. Puis là, comment t'envisages ça? Est-ce que l'an prochain tu vas être avec les Cougars, ou tu retournes en France? Non, cette année c'était ma dernière année d'éligibilité, je serais trop vieux pour jouer l'année prochaine, donc là pour l'instant je suis en train de voir ce que je vais faire l'année prochaine, je sais pas trop encore. J'essaie de voir s'il y a des possibilités pour que je joue à l'université l'année prochaine, ou je sais pas. J'ai plusieurs idées en tête, donc on verra comment ça se passe. As-tu eu des pourparlers, étant donné que tu étais... c'est sûr que division 3, c'est plus difficile. Donc division 3, normalement, c'est... Tu sais, université, c'est quoi? Tu penses pas être repêché par le Rouge et Or ou le Vert et Or, ou ainsi de suite? On a eu des contacts. Notre coach, nous aide beaucoup... dans le processus, parce que pour nous, les Français, c'est un peu dur, on n'est pas vraiment habitués, donc c'est sûr que Nick nous aide là vraiment beaucoup avec ça, pour voir comment ça se passe avec les coachs et les universités qui sont intéressées. Donc les universités, en général, elles commencent à comprendre que les Français qui viennent au Québec sont vraiment motivés, sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, Les rares qui viennent sont en général viennent vraiment pour performer et dans l'objectif de performer. Donc c'est sûr que nous on vient vraiment dans l'opportunité, dans la vision de notre seul objectif, c'est vraiment de jouer à l'université après le cégep, quoi. Okay. Donc c'est sûr que les universités commencent à voir ça. Comment t'as trouvé ça, le physique? Est-ce que le football en France, c'est du football à 11, du football à 12? Nick me parlait l'autre fois que c'est pas le même football que vous jouez. Est-ce que ça a demandé une grosse adaptation, sûrement? Ouais, ça nous a demandé c'est sûr que ça nous a demandé une adaptation. Ce qui a été la plus grosse différence, c'était les motions en avant, par exemple. Les receveurs qui peuvent courir vers l'avant avant le début du jeu, ça m'a fait un choc. Et c'est sûr que la largeur du terrain, la longueur du terrain, c'est clair que c'est différent, mais au bout d'un moment on s'y habitue, ça reste du foot, et donc au bout d'un moment on s'y fait. On a été bien aidé avec les coachs cette année pour qu'ils nous mettent dedans, donc ça a vite été, ça a bien été. Es-tu le seul Français qui joue pour les Cougars? Non, cette année on était 4 à jouer pour les Cougars, 5. Okay. Il y a Alexandre Mathieu, mais qui s'est blessé au début de la saison, qui jouait en ligne défensive. Tristan Chaplet, qui jouait de demi-défensive cette année, qui a aussi connu une bonne saison. Laroussi Satou, qui jouait secondeur. Et Brian Almeida aussi, qui jouait secondeur également. Ok. Donc on était 5, quoi. On était un bon groupe, mais ça commence à venir, ça commence à arriver, les Français. Ok. Est-ce que tu trouves que ça fait que le football en France, football américain, c'est quand même amélioré? Est-ce que les programmes s'améliorent? Est-ce que je sais qu'il y a eu des Jacques Dussault qui ont coaché là, il y a eu des Danny Machocha également qui ont coaché là, qui sont quand même des figures très connues au football au Québec. Est-ce que depuis 10 ans, tiens, est-ce que le football s'améliore en France? Ouais, le football s'améliore, c'est sûr et certain. Après, c'est clair que la progression n'est vraiment pas constante. Il y a des années où c'est vraiment bien, des années où ce sera moins bien. Donc c'est sûr que c'est pas constant. On est aidé par les gens qui viennent, et par exemple les Québécois qui viennent coacher. Par exemple, Paris Legault qui a beaucoup aidé le club des Black Panthers, c'est devenu un des meilleurs clubs en Europe. C'est clair qu'on est largement aidé quand des imports, par exemple des joueurs américains qui viennent. Par exemple, nous, dans mon club, on avait un quarterback américain, ça a beaucoup aidé le club. Ils apportent beaucoup au club. Et donc c'est sûr que oui, ça progresse, ça commence à venir, mais c'est difficile, c'est pas facile, le sport est vraiment pas du tout médiatisé. Les gens sont, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de préjugés par rapport au foot américain en France. Et c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais ça commence à venir. Ok. Parce qu'il y a une différence entre parce que le préjugé, c'est quoi? Les gens aiment mieux le rugby? Parce que vous autres en France, c'est le rugby, là. C'est qui est un petit peu l'ancêtre du football. C'est le rugby, les Français aiment mieux le rugby, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Surtout là où je jouais, moi je joue dans le sud-ouest de la France, c'est vraiment le pays du rugby. C'est le rugby, c'est la religion, c'est vraiment. Okay. Le sport numéro 1 là-bas. Donc, du coup, les gens sont vraiment pas du tout habitués à voir le football américain. C'est quelque chose qui casse avec tous les sports qu'on a en Europe, comme le soccer, le rugby, où c'est des sports qui sont en continu, il n'y a jamais de pause. Alors qu'au foot américain, il y a tout le temps des pauses, il y a tout le temps entre chaque jeu, il y a le huddle, ça, c'est quelque chose que les gens, ils comprennent pas du tout. Donc, ça, c'est la barrière numéro 1, je pense. C'est, les gens pensent qu'il se passe rien au foot américain à cause des pauses. Alors que la plupart des gens, une fois qu'ils viennent voir un match, ils se rendent compte que c'est vraiment quelque chose de, surtout à regarder, c'est quelque chose de super spectaculaire, et les gens aiment bien. Donc ça commence à venir, ça commence à se développer. Le club où je jouais dans le sud de la France, les Kangourous de Pessac, qui avaient, à la fin de la saison, qu'on était en playoff, commençait à avoir 1500, 2000 personnes au match, donc c'était quand même, ça commence à venir. C'est quand même, c'est à peu près, en fait, la NFL, et le football américain, c'est un petit peu marginal, un peu comme le rugby est marginal ici, c'est à peu près la même affaire, c'est tout ça que tu es en train de dire? Ça se compare à peu près. La comparaison, c'est ça. Ok. Dans les memberships, est-ce que le membership augmente? Est-ce que ça stagne là-bas, des inscriptions? Je pense qu'on doit être à autour de, je veux pas dire de bêtises, je pense qu'on est autour de 10 000 licenciés en France. Ok. Je pourrais pas vous dire un nombre exact, mais ça va être environ 10 000 licenciés, 10 000 licenciés. Mais c'est, je crois que dans les statistiques, on était le 5e sport par équipe au niveau des licenciés en France. C'est sûr. Derrière le volleyball, je crois, ou derrière Donc ça commence à venir un petit peu. Bah, Mais regarde, c'est vrai que il y a beaucoup de compétition quand même. bah, c'est sûr, tu regardes le football, le soccer qui est ici, tu as le rugby, tu as le basket qui est très populaire en Europe, tu as Oui, c'est également ça. le handball qui est Le très handball, c'est vrai. populaire en Europe, qui a perdu beaucoup de son lustre aussi ici, donc tout ça. Bah, très intéressant, Léon. Un gros merci, puis bonne chance, évidemment, Ah, puis merci à vous. on va avoir l'occasion peut-être de se reparler. Il joue Merci pour les beaucoup, bah merci Cougars à vous. de Chicoutimi, Léon Noir.